Très important parce qu'on est un musée, puis on trouve que par le biais des trousses éducatives, bien, c'est de prendre un petit morceau du musée, puis de pouvoir le diriger à l'extérieur. C'est qu'on a beaucoup de pièces, puis des expériences dans les trousses. Fait donc, les jeunes peuvent toucher, bien entendu, aux minéraux, expérimenter, puis, bien entendu, beaucoup apprendre aussi.